La Corée a organisé le 5 et 6 courants à l'Institut scientifique de légumes de Pyongyang, près l'Académie des sciences agronomiques, le séminaire national sur la production des semences de légumes et de plantes aux engrais verts. Y ont pris part les cadres et chercheurs de l'Académie des sciences agronomiques, des ministères, établissements centraux et des secteurs des recherches scientifiques, de l'enseignement et des secteurs intéressés. Y étaient également présents les membres de la représentation de coopération de l'Union européenne en Corée. Les orateurs ont expliqué de façon scientifique les problèmes posés pour établir le système de production des semences de légumes et de plantes des engrais verts et rehausser en permanence leur productivité.